Poliment, je marche sur les pavés, entraînant légèrement les pieds. Je me dirige sûrement vers ma destinée, en n'ayant plus aucune idée. Je suis peut-être énormément fatigué, parce que j'ai longtemps marché. Je vais attendre car ça ne va pas durer. Je vais vite, mais c'est normal, je suis aidé. Avancer, oh et plus rien ne me gêne, je n'ai plus une seule pitié, oh et je suis le vent, et c'est lui qui m'aide à avancer. Tu peux cracher autant que tu veux, de toute façon tu partiras avec eux. Tu peux me regarder à travers mes yeux, c'est pas pour autant que tu iras mieux. Tu peux te droguer, prendre toute la beuh, de toute façon tu n'iras pas avec eux. Tu n'as qu'à te foutre de moi en bleu, moi je marche avec mon cadeau généreux. Oui, il est généreux. Oh et je suis le vent, et c'est lui qui m'aide à avancer. Oh et plus rien ne gêne, je n'ai plus une seule pitié. Oh et je suis le vent, et c'est lui qui m'aide à avancer. Doucement tu t'assois sur mon caillou, en larmes y'a de quoi devenir fou. J'ai fait, j'ai joué sans avoir de coups, ma vie est un résumé à tenir debout. Là où je suis, c'est avec vous n'importe où, n'oublie pas et garde en mémoire nos rendez-vous. Regardez ce soir, c'est encore un jour de moi pour vous, regarde les joies, et ne fais que ça. Ainsi le vent pour toi aussi, oui t'emmènera. Je suis le vent, et c'est lui qui m'aide à avancer. Oh et plus rien ne me gêne, je n'ai plus une seule pitié. Oh et je suis le vent, et c'est lui qui m'aide à avancer.